bloque mon nez. Je viens te parler pour écouter. Je viens t'apprendre ce que tu sais. Je viens me faire voir pour y croire. Je viens étaler mon non-savoir. C'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça. C'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça. Et moi je suis le fils de Bob Marley. C'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça. Brice se promène tout nu en janvier. Tu vois, moi je suis un artiste. J'ai même pas peur du dentiste. Je fais les 7 faces au Rubik's Cube. Et mon père travaille dans la pub. Je viens te parler que de moi. Tout le reste ne m'intéresse pas. C'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça. C'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça. Et moi j'ai fait 10 ans de plus. C'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est ça ouais.